mauvais courant d'air, l'air de rien, m'a laissé seul sous la plume comme un chien. Elle est partie vent arrière sans témoin. Elle a pris l'encre de Chine en douceur pour m'écrire ces quelques lignes sans douleur. Envolée, la belle histoire, voilà tout, sans l'ombre d'un désespoir, des amours. Et je suis seul, seul, seul, si seul, aussi seul qu'un topaze dans un écrin de soie. Et je suis seul, seul, seul, trop seul, comme un beau solitaire dans un écrin de soie. Elle a quitté notre danse sans remords, sans la moindre turbulence à son bord. Adieu ma bonne fortune, je l'aimais. Voyage autour de la lune, plus jamais. Je n'entre plus dans sa bulle, voilà tout. Cet amour à deux vitesses, c'était nous. Elle déserte mes nuits blanches peu à peu. Elle va brûler d'autres planches, d'autres cieux. Et je suis seul, seul, si seul, aussi seul qu'un topaze dans un écrin de soie. Et je suis seul, seul, seul, trop seul, comme un beau solitaire dans un écrin de soie. Faut-il que je me transforme en valet sur le fond et sur la forme, s'il lui plaît. Elle m'a quitté pour un rhume, pour un rien, pour un mauvais courant d'air, l'air de rien. Elle m'a quitté pour un rhume, pour un rien. Elle m'a quitté. Seul, seul, seul, si seul, aussi seul qu'un topaze dans un écrin de soie. Et je suis seul, seul, seul, trop seul, comme un beau solitaire.